Chapitre 11e. Le timbre et l'écriture de l'adresse, écriture imitée en toute perfection, avertirent Mrs. LeCount de ce que la lettre pouvait renfermer, avant même qu'elle l'eût ouverte. Elle consacra un moment à se préparer et lut ensuite la nouvelle qui lui apprenait la rechute de son frère. Rien dans l'écriture, pas un mot dans la rédaction de la lettre qui pût lui suggérer la plus faible idée d'une fraude quelconque. Elle ne douta pas un instant que l'invitation de se rendre au chevet de son frère n'émana bien réellement du médecin. La main qui tenait la lettre retomba lourdement sur les genoux de la femme ainsi abusée. Elle pâlit, vieillit, et changea de physionomie en un instant. Des pensées tout autres que celles de ses projets, de ses intérêts actuels, des souvenirs qui la ramenaient en d'autres pays que l'Angleterre, en d'autres temps que ceux où elle avait mené une vie dépendante, firent passer sur son front des ténèbres qu'ordinairement elle gardait en elle, et les traces de leur mystérieux passage s'inscrivirent profondément sur ce front tout à coup ridé. Les minutes se succédaient l'une à l'autre, et pourtant, la domestique laissée à l'étage inférieur attendait vainement le coup de sonnette qui devait l'appeler au salon. Les minutes se succédaient l'une à l'autre, et pourtant, Mrs. LeCount demeurait assise, calme et les yeux secs, morte au présent, morte à l'avenir, ne vivant plus que dans le passé. L'entrée de la domestique, qui montait sans être appelée, la réveilla comme en sursaut. Avec un profond soupir, elle replaça la lettre dans son enveloppe et concentra ses réflexions sur les intérêts, les devoirs du temps qui lui échappaient heure par heure. Il ne lui fallut pas de longues considérations pour trancher la question de savoir si elle irait oui ou non à Zurich. Avant même d'avoir approché sa chaise de la table où le déjeuner était servi, Mrs. LeCount s'était décidée à partir. Si merveilleux que fut le succès du stratagème conçu par le capitaine Raig, il aurait pu échouer sans les incidents du matin qui étaient venus le corroborer. Oui, chose étrange, l'accident même contre lequel le capitaine avait voulu tout particulièrement se prémunir, l'accident qui venait de se produire en dépit de toutes ses précautions, se trouvait entre tous ceux que le hasard eût pu amener, et ceci, contrairement à tout calcul, le plus favorable à la réalisation de ce qui était essentiellement le but du complot. Si Mrs. LeCount n'eût point obtenu, avant de recevoir la lettre datée de Zurich, les informations qu'elle voulait se procurer, cette lettre eût fait un vain appel à ses sentiments. Du moins eût-elle hésité avant de se décider à quitter l'Angleterre, et cette hésitation pouvait devenir fatale au plan de l'honorable capitaine. En l'état des choses, maîtresse de preuves bien évidentes, ayant découvert dans la garde-robe de Magdalene le vêtement accusateur, gardant en un repli de son portefeuille le fragment qu'elle en avait détaché, ayant soutiré à Mrs. Raig l'indication précise de la maison où cette robe avait été revêtue, Mrs. LeCount avait maintenant à ses ordres le moyen d'éveiller les défiances de son maître plus sûrement qu'elle n'avait pu le faire jusqu'alors. En d'autres termes, le moyen de le mettre en garde contre les dangereuses tendances qui pourraient, tandis qu'elle serait à Zurich, amener une réconciliation entre lui et les Bygrave. Une seule difficulté la préoccupait maintenant, c'était de savoir si elle se mettrait personnellement ou par écrit en rapport avec son maître avant de partir pour la Suisse. Elle parcourut de nouveau la lettre du médecin. Le mot « immédiatement » dans la phrase qu'il appelait auprès de son frère mourant avait été par deux fois souligné. Le château de l'amiral Bartram était à quelque distance du chemin de fer. Le temps à perdre en voiture, sur la route de St. Crux, soit pour l'aller, soit pour le retour, pourrait retarder d'une manière fatale le voyage de Zurich. Aussi, bien qu'elle eût infiniment préféré une entrevue avec Miss Noel Vanstone, il n'y avait d'autre alternative, dans une affaire de vie ou de mort, que d'économiser en lui écrivant des heures précieuses. Après avoir immédiatement envoyé retenir sa place dans la première diligence qui dut partir, elle s'installa pour écrire à son maître. Sa première pensée fut de lui raconter tout ce qui s'était passé à North Shingles ce matin-là même. Mais en y réfléchissant, elle rejeta cette combinaison. Une fois déjà, en copiant le signalement fourni par la lettre de Miss Garth, elle avait remis aux mains de son maître les armes dont elle comptait se servir, et Mr. Bygrave était parvenu à les tourner contre elle. Aussi résolut-elle, cette fois, de s'en réserver l'usage exclusif. Le secret du morceau découpé dans la robe d'Alpaga n'était connu, si ce n'était d'elle, d'aucune créature vivante. Et jusqu'à son retour en Angleterre, elle n'entendait le communiquer à personne. Pour produire sous l'esprit de Mr. Noel Vanstone l'impression nécessaire, il n'était pas indispensable d'entrer dans de périlleux détails. Elle savait, par expérience, à quelle forme de style on pouvait s'en fier pour l'émouvoir fortement, et ce fut en ces termes qu'elle jugea bon de lui écrire. « Cher Monsieur Noël, de tristes nouvelles m'arrivent de Suisse. Mon frère chéri se meurt, et le médecin qui le soigne m'appelle immédiatement à Zurich. L'impérieuse nécessité de mettre à profit les plus prompts moyens de me transporter sur le continent ne me laisse pas deux alternatives. Je dois user de la permission que vous me donnâtes, dès le début de la maladie de mon frère, en m'autorisant à quitter l'Angleterre dans un cas de nécessité absolue. Je dois aussi éviter tout retard, en me rendant droit à Londres au lieu de faire un détour, comme je l'aurais tant voulu, pour aller d'abord vous voir à St. Crux. Si péniblement que je sois affecté par le malheur domestique qui vient de m'atteindre, je ne saurais manquer cette occasion de traiter un autre sujet qui intéresse sérieusement votre bien-être et auquel, par ce motif, votre vieille femme de charge attache la plus grande importance. Je vais, Monsieur Noël, vous surprendre et vous troubler. Gardez-vous, je vous prie, de toute agitation. Calmez-vous, je vous le demande en grâce. » L'imprudent essai de tromperie qui a si heureusement ouvert vos yeux sur le vrai caractère de nos voisins de North Shingles n'était pas le seul objet que se proposa Mr. Bygrave en s'imposant à votre bon accueil. L'infâme complot dont on vous avait déjà menacé à Londres était en pleine activité contre vous dans Aldborough, sous la direction de Mr. Bygrave. Un hasard, je vous dirai lequel dès que nous nous reverrons, m'a procuré des informations précieuses pour votre sécurité future. J'ai découvert, de manière à en être absolument certaine, que la personne qui prend le nom de Miss Bygrave n'est autre que cette femme venue jadis chez nous, à Vauxhall Walk, sous un travestissement. Je m'en étais douté dès l'abord, mais à l'appui de mes soupçons, je n'avais aucune preuve, aucun moyen par conséquent de combattre ce que vos impressions avaient d'erroné. Mes mains, j'en remercie le ciel, ne sont plus liées. Je possède la preuve absolue de l'assertion que vous venez de lire, une preuve que vos yeux pourront voir, une preuve qui satisferait votre conscience, fussiez-vous magistrat assis dans votre tribunal. Peut-être même à présent, Monsieur Noël, vous refusez-vous à me croire. Eh bien, soit. Que vous me croyez ou non, j'ai une dernière faveur à solliciter de vous, et vous êtes, comme Anglais, trop partisan des armes égales pour me refuser cette faveur. Ce triste voyage que je vais faire me retiendra sur le continent pendant 15 jours ou 3 semaines au plus. Vous m'obligerez, et cela sans détriment pour vos convenances ou vos plaisirs, en restant tout ce temps-là auprès de vos amis de St. Crux. Si, préalablement à mon retour, quelques circonstances inattendues vous mettaient de nouveau en face des Bygrave, et si votre naturelle bonté de cœur vous portait à recevoir les excuses qu'ils tâcheront naturellement en pareil cas de vous faire accueillir, pour vous, sinon pour moi, sachez vous imposer une retenue bien légère. Suspendez vos coquetteries avec la jeune lady, et que les autres jeunes ladies daignent me pardonner de l'appeler ainsi, jusqu'à ce que je sois revenu. Si à mon retour, je ne réussissais pas à vous prouver que Miss Bygrave est bien cette femme de Vauxhall Walk que vous avez vue masquée et menaçante, je m'engage à quitter votre service dans les 24 heures. Et pour expier la faute que j'aurais commise en portant un faux témoignage contre mon prochain, j'abdiquerai tous les droits que je puis avoir à la reconnaissance de votre père ou à la vôtre. Je prends cet engagement sans réserve d'aucune sorte, et je promets de le tenir, mes preuves venant à être insuffisantes, sur la foi d'une bonne catholique et sur la parole d'une honnête femme, votre fidèle servante, Virginie LeCount. » Les dernières phrases de cette lettre, ainsi que la femme de charge le savait bien en les traçant, renfermaient l'unique adjuration qui, s'adressant à Mr. Noel Vanstone, dut produire à coup sûr un effet profond et durable. Elle eût pu engager sous serment ou sa vie ou sa bonne réputation comme garantie de ses assertions audacieuses, et ne pas laisser sur l'esprit de cet homme une impression permanente. Mais, lorsqu'elle donnait pour gage de sa véracité, outre la situation qu'elle occupait chez lui, les droits pécuniaires qu'il était bien forcé de lui reconnaître, elle intéressait au résultat de l'épreuve la passion même qui dominait la vie de cet avare personnage. Il n'y avait pas à en douter, le plus puissant de tous les intérêts qu'il connut, l'intérêt de ménager son argent, le contraindrait à ne rien précipiter. Échec et mat à Mr. Bygrave, pensait Mrs. LeCount, cachetant la lettre et mettant l'adresse. La bataille est finie, le coup de partie est joué. Tandis qu'à Sivio, Mrs. LeCount s'efforçait de garantir ainsi la sécurité de son maître, les événements marchaient grand train à North Shingles. Aussitôt que le capitaine Raig fut remis de l'étonnement que lui avait causé la vue de la femme de charge établie sur son terrain, il se hâta de rentrer chez lui, et guidé par le pressentiment qu'il avait eu naguère du désastre maintenant accompli, se rendit en droite ligne chez sa femme. Jamais, à aucune époque de leurs rapports antérieurs, la pauvre Mrs. Raig n'avait éprouvé, comme elle le fit alors, tout le poids de l'indignation du capitaine. Le peu d'intelligence que la nature lui avait départie disparut, comme une plume au vent, devant la rage tourbillonnante de son époux. Les seuls faits un peu précis qu'il put tirer d'elle étaient au nombre de deux. D'abord, la témérité de Magdalene à déserter son poste n'avait pas de meilleure excuse que l'incorrigible impatience de Magdalene. La jeune fille n'avait pas dormi de la nuit. Elle s'est élevée, fiévreuse et tourmentée à l'extrême, puis, sans se soucier des conséquences, elle était sortie pour rafraîchir au grand air sa tête brûlante. Mrs. Raig, en second lieu, avait, de son propre aveu, reçu Mrs. LeCount, causé avec Mrs. LeCount et finalement raconté à Mrs. LeCount l'histoire du fantôme. Quand il eut fait ses découvertes, le capitaine Raig ne perdit pas autrement son temps à calmer les terreurs et la confusion de son épouse. Il se retira aussitôt à une fenêtre, qui dominait sans obstacle la maison de Mr. Noel Vanstone, et s'établit là pour guetter ce qui se passerait à Sivio, exactement comme Mrs. LeCount se postait naguère à une fenêtre opposée pour guetter ce qui se passerait à North Shingles. Au retour de Magdalene, et lorsqu'elle le trouva ainsi occupé, il ne se permit pas un seul mot de commentaire sur les incidents de la matinée. On eût dit son flux de langage brusquement tari. « Je vous disais bien ce que ferait Mrs. Raig, et Mrs. Raig n'a pas manqué de le faire, » remarqua-t-il simplement. Puis, avec une patience que Mrs. LeCount elle-même n'aurait pu surpasser, il demeura, sans en bouger, assis à son observatoire. La seule démarche active où il jugea convenable de s'engager fut faite par l'entremise d'un agent secondaire. Il envoya la domestique à l'auberge pour y retenir une chaise et un bon cheval, avec ordre d'ajouter que ce jour-là, même avant midi, l'hôtelier apprendrait de sa bouche même pour quelle heure l'équipage serait requis. Pas un signe d'impatience ne lui échappa jusqu'au moment où, d'ordinaire, la diligence du matin se mettait en route. Alors les lèvres arquées du capitaine se crispèrent d'inquiétude et ses doigts mobiles commencèrent à battre sur les vitres de la croisée, ce qu'une expression proverbiale appelle la retraite du diable. Le bruit des roues se fit entendre à la fin. La diligence vint s'arrêter devant Sivio, et le capitaine Raig s'assura par lui-même qu'au nombre des voyageurs partant ce matin-là d'Aldborough figurait Mrs. LeCount. Cette incertitude, principale une fois dissipée, restait encore à résoudre une question sérieuse, suggérée par les événements de la matinée. Quelle était la destination actuelle de Mrs. LeCount, Zurich ou St. Crux? Il ne fallait pas douter qu'elle n'informât son maître, et de l'histoire du fantôme racontée par Mrs. Raig, et de toute autre révélation relative soit au nom, soit aux localités, qui aurait pu échapper sans qu'elle s'en rendît compte aux lèvres de Mrs. Raig. Mais des deux moyens que pouvait employer la femme de charge pour porter le trouble dans les combinaisons qu'elle avait à déjouer, soit qu'elle agit en personne, soit qu'elle eût écrit, le capitaine sentait parfaitement combien il lui importait de savoir sur lequel s'était arrêté le choix de sa terrible ennemie. Si elle était partie pour la résidence de l'amiral, il ne lui restait qu'à suivre la diligence, à prendre le train où Mrs. LeCount elle-même voyagerait, et à la devancer ensuite sur le trajet de la station du comté d'Essex au château de St. Crux. Si, au contraire, elle s'était contentée d'écrire à son maître, il suffirait de s'arranger pour intercepter l'épître dénonciatrice. Le capitaine résolut d'abord d'aller au bureau de poste. En admettant que la femme de charge eût écrit, elle n'aurait certainement pas laissé la lettre à la discrétion de la domestique. et n'en serait remise qu'à elle-même pour la déposer dans la boîte avant de quitter Aldborough. « Bonjour, » dit le capitaine, interpellant gaiement le buraliste. « Je suis Mr. Bygrave de North Shingles. Vous avez, je crois, dans votre boîte une lettre adressée à monsieur... » Le buraliste était un petit homme, et par conséquent un homme imbu, plus que raisonnablement, du sentiment de son importance. Il arrêta d'un air solennel le capitaine Rigg, qui se donnait déjà pleine carrière. « Sachez, monsieur, lui dit-il, que lorsqu'une lettre est mise à la poste, personne, en dehors des employés, n'a plus à s'occuper d'elle jusqu'au moment où elle parvient à son adresse. » Le capitaine n'était pas homme à se laisser imposer, même par un directeur de poste. Une idée lumineuse lui vint en aide. Il tira de sa poche l'agenda sur lequel l'adresse de l'amiral Bartram était écrite et revint aussitôt à la charge. « Supposons, commença-t-il, qu'une adresse ait été mal mise, et supposons que la personne qui l'a écrite désire corriger, après que la lettre est tombée dans la boîte, l'erreur commise par elle. « Quand une lettre est une fois la poste, monsieur, » répéta l'agent local, toujours impénétrable et majestueux, « personne autre que les employés ne saurait y porter la main, sous aucun prétexte que ce soit. »« D'accord, j'y consens de tout mon cœur, » dit le capitaine, insistant toujours. « Mais je n'ai nul besoin d'y porter la main. Je désire tout simplement m'expliquer. Une dame a jeté ici une lettre adressée à Noel Vanstone, Esquire, chez l'amiral Bartram, St. Crux in the Marsh, Essex. Elle a écrit fort en hâte, et n'est pas bien certaine d'avoir ajouté le nom du bureau de poste, Ossory. Il est de la dernière importance que la remise de cette lettre ne subisse aucun retard. Quel règlement pourrait s'opposer à ce que vous facilitiez le service de la poste et déferriez en même temps au vœu d'une dame, en ajoutant de votre propre main, si réellement il a été omis, le nom du bureau en question ? J'interroge là-dessus votre zèle. Est-il une objection possible à ce que ma requête soit admise ? Le directeur fut obligé de reconnaître qu'une requête si modeste ne prêtait à aucune objection, pourvu que le mot indispensable fût seul ajouté à l'adresse, pourvu que lui seul portât la main sur la lettre, et pourvu que le temps précieux des employés de la poste ne se trouvât pas gaspillé. Comme il n'avait rien de très pressé à faire pour le moment, il ne demandait pas mieux que d'obliger une dame à la recommandation de Mr. Bygrave. Tandis que les mains du buraliste séparaient et classaient les lettres contenues dans la boîte, le capitaine Rigg suivait de l'œil cette opération avec une anxiété qui l'empêchait de respirer. La lettre était-elle bien là ? Les mains de ce zélé serviteur du public allaient-elles s'arrêter tout à coup ? Oui, elles s'arrêtèrent, et dans la masse des lettres en saisirent une qu'elles mirent à part. « Noel Vanstone, Esquire, avez-vous dit ? » demanda le buraliste, la main toujours posée sur la lettre. « Noel Vanstone, Esquire, » répondit le capitaine, « chez l'amiral Bartram, St. Crux in the Marsh. »« Oh, sorry, Essex, » continua l'homme de la poste, qui, ceci dit, rejeta la lettre parmi les autres. « Cette dame, monsieur, n'a fait aucune erreur, et l'adresse est tout à fait correcte. » Il fallut un sentiment bien arrêté de tout ce qu'il devait aux convenances pour empêcher le capitaine Rigg de faire voler en l'air son grand chapeau blanc, dès qu'il eut mis le pied dans la rue. C'en était fait du dernier doute qui lui resta. Monsieur le Comte avait écrit à son maître, donc Monsieur le Comte était en route pour Zurich. La tête plus haute que jamais, les pans de son respectable paletot flottant derrière lui sous l'action de la brise, étalant sur sa poitrine allégée, comme sur un trône, l'impudence qui lui était naturelle, le capitaine s'en alla, se pavanant du côté de l'auberge, où il demanda le tableau sacramentel de la marche des trains. Après certains calculs qu'il inscrivit sur son agenda, il commanda que sa chaise fût prête dans une heure, de manière à joindre le chemin de fer à temps pour prendre le premier train dirigé sur Londres, train avec lequel ne correspondait par hasard aucune des diligences d'Aldborough. La démarche qui suivit celle-ci était d'un ordre beaucoup plus sérieux. Cette démarche impliquait une singulière certitude de réussir. Le jour de la semaine était un jeudi. Au sortir de l'auberge, le capitaine se rendit à l'église, demanda le clerc de la paroisse et donna les instructions nécessaires pour un mariage qui se ferait sur licence le lundi suivant. Si hardi qu'il fût, ce dernier exploit avait quelque peu ébranlé ses nerfs et sa main tremblait en soulevant le loquet de la porte du jardin. Il se restaura, au moyen d'un verre de grog, avant de demander Magdalène pour l'informer de tout ce qu'il venait de faire dans le cours de cette matinée si bien remplie. On pouvait raisonnablement s'attendre de sa part à quelque nouvelle explosion, quand elle apprendrait que le dernier pas, le pas irrévocable, avait été franchi, et que le jour du mariage était déjà inscrit sur les registres ecclésiastiques. La montre du capitaine l'avertissait de ne pas consacrer trop de temps à vider son verre. Au bout de quelques minutes, il dépêcha le message voulu à l'étage supérieur. En attendant que Magdalène descendît, il se pourvut de certains accessoires que réclamait le prochain dénouement du complot ourdi par ses soins. En premier lieu, il inscrivit son prétendu nom, d'une main beaucoup moins assurée qu'à l'ordinaire, sur une carte de visite restée en blanc, et ajouta au-dessus ces mots « Pas un moment à perdre, je vous attends à la porte, venez me trouver sans retard ». Il prit ensuite dans l'écritoire une demi-douzaine d'enveloppes et plaça sur toutes la même adresse, qui était celle-ci, Thomas Bygrave, Esquire, Hôtel Mussard, Salisbury Street, Strand, à Londres. Quand les enveloppes et la carte eurent été placées avec soin dans sa poche de côté, il ferma le pupitre. Au moment où il quittait le bureau, Magdalène entra dans le salon. Le capitaine se donna quelques secondes pour réfléchir sur la meilleure méthode d'aborder la question. Et servons-nous d'une de ces expressions militaires, résolut de l'enlever à la baïonnette. En deux mots, il informa Magdalène de ce qui s'était passé, la prévenant que le lundi suivant serait le jour de ses noces. Il s'était préparé à la calmer, si elle éclatait en transport passionné, à raisonner avec elle, si elle demandait un délai, à lui témoigner de la sympathie, si elle fondait en larmes. Les résultats, à son extrême surprise, déjouèrent toutes ses prévisions. Elle l'entendit sans prononcer une parole, sans verser une larme. Quand il eut fini, elle se laissa tomber dans un fauteuil. Ses grands yeux gris, dépourvus de toute expression, demeuraient arrêtés sur lui. En un instant, de par quelque loi mystérieuse, toute sa beauté disparut. Son visage contracté prit cette roideur grave et solennelle qu'a presque toujours celui d'un cadavre. Pour la première fois, depuis que le capitaine la connaissait, il la voyait, corps et âme, sous le coup d'une véritable terreur. « Vous ne reculez pas ?» dit-il, essayant de la ranimer. « Vous n'êtes certainement pas capable de reculer au dernier moment. » Aucune lueur d'intelligence ne vint éclairer ses yeux. Aucun changement n'altéra l'immobilité de son visage. Elle l'avait entendu, pourtant. Elle bougea dans son fauteuil et, lentement, inclina la tête. « C'est de votre propre volonté, libre et sans contrainte, que ce mariage a été combiné, » poursuivit le capitaine, avec le furtif regard et la voix hésitante d'un homme qui ne se sent pas à l'aise. « Ce fut votre idée, non la mienne. » « Je n'en accepte nullement la responsabilité. » « Non, certes, et quand même il s'agirait de 200 livres. » « Si le courage vous manque, si venant à réfléchir... » Il s'arrêta. Elle changeait de visage. Elle remuait enfin les lèvres. Lentement, elle leva sa main gauche dont les doigts étaient écartés. Elle la regarda comme si c'était la main d'une autre, et sur ses doigts compta les jours qui devaient précéder le mariage. « Vendredi 1, » murmura-t-elle, se parlant à elle-même, « samedi 2, dimanche 3, lundi... » Ses mains retombèrent sur ses genoux, son visage se contracta de nouveau. Une crainte mortelle la paralysait encore sous son étreinte glacée, et les mots qui allaient suivre expirèrent sur ses lèvres. Le capitaine Rake tira son mouchoir pour s'essuyer le front. « Au diable, les 200 livres, » disait-il. Pour une pareille besogne, ce ne serait pas assez de 2000. Il retourna du côté du bureau, tira de sa poche les enveloppes sur lesquelles il avait écrit lui-même sa propre adresse, et les tenant à la main, revint au fauteuil où elle était assise. « Reprenez vos sens, » lui dit-il. « J'ai un dernier mot à vous faire entendre. Me pouvez-vous écouter ?» Elle fit effort et se ranima. Une faible nuance rosée vint colorer ses joues pâles. Et un mouvement de tête annonça qu'elle l'écoutait. « Regardez ces plis, » poursuivit le capitaine Raig, lui montrant les enveloppes. si j'en fais l'usage auquel ils ont été destinés? Le maître de Mrs. LeCount ne recevra jamais la lettre de Mrs. LeCount. Si je les déchire, il saura, par le courrier de demain, que vous êtes la femme déguisée dont il reçut la visite à Vauxhall Walk. Vous n'avez donc qu'à parler. Déchirerai-je ces enveloppes ou les remettrai-je dans ma poche ? Il y eut un moment de silence. Le murmure des vagues d'été sur le galet des grèves et la voix des oisifs qui se promenaient sur le champ de parade, arrivant par la croisée ouverte, emplissait le vide que laissait en cette chambre l'absence de tout bruit intérieur. Magdalen releva la tête, montrant résolument les enveloppes. « Servez-vous-en, » dit-elle. « C'est bien votre volonté, » demanda-t-il. « C'est ma volonté. » Comme elle venait de répondre ainsi, un bruit de roues se fit entendre sur la route qui longeait le jardin. « Vous entendez ces roues ?» dit le capitaine Raig. « Je les entends. » « Vous voyez ce cabriolet ?» continua le capitaine, quand le léger équipage qu'il avait commandé à l'auberge se fut arrêté devant la grille. « Je le vois. » « Et c'est bien votre volonté que je parte, votre volonté libre et spontanée. »« Oui, allez. » Sans un mot de plus, il la quitta. La domestique était sur la porte avec le sac de nuit du capitaine. « Miss Bagrave ne va pas très bien, » lui dit-il. « Priez votre maîtresse d'aller la retrouver dans le salon. » Il monta dans le cabriolet et commença ainsi la première étape de son voyage à Saint-Crux.